Le 17 courant, le palais central de la jeunesse à Pyongyang a abrité la représentation de la troupe de propagande artistique centrale de la jeunesse, ce thème, avançant toujours tout droit suivant le parti, à l'occasion du 71e anniversaire de la fondation de l'union de la jeunesse kim-il-suniste Kim Jong-liste. Les membres de la troupe ont chanté vivement l'histoire de privilège et d'amour pour la jeunesse, commencée par le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il, qui continue à jamais par le dirigeant suprême Kim Jong-un. Y ont assisté les permanents de l'Union de la jeunesse, les jeunes étudiants.